Jean-Biesse, bonjour. J'ai Bonjour. le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes docteur d'État ès-lettres. Vous avez publié une trentaine d'ouvrages, 30 ouvrages à votre actif, tous axés sur la recherche, on peut dire ça comme ça, la recherche de la lumière dans l'obscurité, Exactement. la recherche de la sagesse. Vous avez publié très récemment aux éditions Almora Empédocle, philosophie présocratique et sagesse orientale. Et également aux éditions Pardès, Orientation spirituelle pour un temps de crise. C'est néanmoins pour ce livre-là qu'aujourd'hui je vous accueille, un livre qui a été publié aux éditions Harmattan très récemment, en 2008, et qui s'appelle Vie spirituelle et modernité, sous-titre Comment concilier l'inconciliable. Alors, par rapport à ce livre, j'avais envie de dire que ce n'était pas un livre. Voilà, j'avais envie de commencer par ça. J'ai envie de dire que ce n'est pas un livre. J'ai envie de dire que ce n'est pas un essai, j'ai envie de dire que ce n'est pas un récit, ça ne paraît pas autobiographique, quoique, et j'ai envie de dire que plutôt que toute une somme de connaissances courant en petits caractères sur 300 pages, nous avons là un cadeau, un beau cadeau que vous nous faites, un cadeau de finalement 75 ans de vie, d'expérience, de quête, de recherche, de doute, d'expérimentation aussi, plus que d'expérience peut-être. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de dire que c'est un cadeau? Ben, pour deux raisons. D'abord parce que vous dressez un portrait accablant mais terriblement lucide du monde dans lequel nous sommes. Alors ça, vous allez me dire que ça a déjà été fait. Mais il y a une couleur, il y a un style, il y a peut-être quelque chose de différent par rapport à ce qui a déjà été fait. Et un cadeau, surtout, surtout, parce que dans votre interrogation, comment concilier l'inconciliable, vous nous donnez des solutions, vous nous donnez des pistes. Et que ces pistes, contrairement à ce qui a pu être fait et dit encore ailleurs, pour une fois, sont des pistes adaptées. Des pistes adaptées aux hommes que nous sommes devenus, des hommes qui manquent de temps, des hommes aux intellects hypertrophiés, des hommes stressés, des hommes qui ignorent tout de la nature et qui ont oublié les vertus du silence, de la nuit et du recueillement. Un gros cadeau que vous nous faites, un beau présent. Alors, par rapport à ça, moi, j'avais envie de vous poser une première question. C'est non pas une question sur le livre, mais une question sur celui qui l'a écrit, une question donc d'ordre personnel. J'avais envie de vous poser la question suivante. D'où tenez-vous ce dont vous parlez? Quel a été, en d'autres termes, pour m'exprimer autrement, quel a été, ou quelles ont été les différentes voies d'accès que vous avez eues à votre propre spiritualité? Vous parlez des trois modes d'accès dans ce livre-là. Lequel ou lesquels ont été les vôtres? Je voudrais aussi savoir, puisque vous vous basez beaucoup sur la cosmologie hindoue, hein, l'âge de fer, l'âge de Kali Yuga, je voulais savoir quels ont été vos propres cycles de vie. Et maintenant, vous me disiez tout à l'heure que vous étiez arrivé à l'heure Des bilans. des bilans. Comment vous segmenteriez votre propre vie? Quels ont été vos maîtres? Quels ont été tous ces moments qui vous ont nourri? Alors d'abord, je voudrais vous remercier de votre introduction, qui est le cadeau que vous me faites. Vous avez remarqué aussi qu'il y avait dans ce livre, comme dans tous les autres du reste, un souci de style. Car beaucoup d'auteurs traitant des questions spirituelles écrivent au fil de la plume et font, je ne veux pas être méchant à leur égard, mais plutôt du journalisme écrit que de la littérature. J'ai reçu une formation de lettres classiques, j'étais professeur également. Et j'ai toujours été très respectueux de nos écrivains. Si l'Allemagne brille par la musique, si l'Italie brille par la peinture, je crois que la France a comme apanage l'apanage littéraire. Et je suis devenu très vite amoureux de nos écrivains. J'ai eu la chance d'avoir un père qui, quoique médecin et scientifique, n'était pas du tout porté à la chose littéraire, mais qui avait compris, dès ma jeunesse, cette fibre qui était en moi. Et qui s'était mis à acheter beaucoup d'auteurs dans les éditions d'époque, qui a fait que j'ai lu Racine dans une édition parue de son vivant, que j'ai lu les œuvres de Voltaire, qui n'est pas mon Dieu, mais enfin qui est un grand écrivain, dans une édition contemporaine de Voltaire. J'ai lu Hugo, Histoire d'un crime, et Napoléon le Petit dans une édition, et Les Châtiments en tout petit format. Car c'était un livre clandestin qu'on lisait sous le manteau. J'ai donc découvert ces auteurs dans leur propre chair, si je peux dire. Et cet éveil littéraire s'est manifesté très tôt. Je crois que à 12-13 ans, je commençais déjà à écrire des poèmes. Mais je ne me suis jamais arrêté. Je peux dire que j'ai écrit chaque jour, à l'instar de ce peintre grec qui s'appelait Apelle, et dont on a dit « Nulla dies sine linea », pas un seul jour sans une ligne. Je suis un peu un émule d'Apelle. En ce qui concerne maintenant votre parcours, non plus littéraire, mais j'ai envie de dire spirituel. Eh bien, en classe de philosophie, c'était en 1951, René Guénon est mort le 7 janvier 1951, et la mère d'un de mes camarades, d'un de mes condisciples, a lu ce que sa mère venait de découvrir, c'est-à-dire la crise du monde moderne. Il l'avait lu avec enthousiasme, comme sa mère, et il me l'avait fait lire aussi. C'est-à-dire qu'en classe de philosophie, dès le mois de mars, je pense, je me suis trouvé dans une situation très ambiguë, car je devais restituer le cours officiel pour préparer mon baccalauréat, et parallèlement, je lisais les livres de René Guénon, que je citais dans mes dissertations, et je me souviens encore très bien que le professeur mettait de grands points d'interrogation à l'encre rouge dans les marges de mes devoirs, car un professeur n'aime pas qu'un élève en sache plus que lui. Et tout a démarré de là. C'est-à-dire que j'ai découvert Guénon 3 mois après sa mort. Ça a été la chéquenaude initiale. Et à partir de là, j'ai lu tous les livres disponibles de lui. Et ça a été, si vous voulez, le déchirement du voile du temple. C'était une révélation qui m'a conduit à la conclusion que si Guénon avait raison, tout ce que l'on m'enseignait s'écroulait. Donc Descartes, Hegel, toute la lignée des philosophes du XVIIIe siècle, jusqu'à Sartre, que l'on étudiait déjà à ce moment-là. Tout cela me paraissait vain par rapport à cette révélation guénonienne. Après Guénon, d'autres maîtres? Alors, Guénon m'a quand même accompagné assez longtemps. Enfin, je dirais que Guénon m'a accompagné toute ma vie. Mais d'autres maîtres, effectivement, sont apparus à quelques années de là. En particulier Fritjof Schön. J'avais découvert avec une certaine stupeur son livre « De l'unité transcendante des religions ». Et ensuite, j'ai demandé plusieurs entretiens avec lui. Je me suis rendu en Suisse, à Puy, qui domine Lausanne, 3 années consécutives. Et il a bien voulu me recevoir alors qu'il recevait très peu de monde. Et il m'a, je me souviens, j'ai gardé sa lettre d'ailleurs, « Compte tenu de la lettre que vous m'avez adressée, je vous recevrai avec le plus grand plaisir. » Je ne soupçonnais pas encore à l'époque que Schön allait écrire encore plusieurs livres très importants. Mais j'avais senti qu'il était dans la lignée guénonienne, même s'il y a pu y avoir quelques dissensions entre eux. Et j'ai donc voulu voir cet homme et parler, m'entretenir longtemps avec lui. D'autres rencontres encore ? Que ce soit des ouvrages, que ce soit des hommes. D'autres rencontres. J'ai eu l'occasion de rencontrer Marie-Madeleine Davy, que j'allais voir chaque fois que je venais à Paris, pendant de longues années, qui m'avait pris en affection et qui a laissé une œuvre importante aussi dans un style différent, mais qui m'apprenait toujours quelque chose et qui sentait en moi quelqu'un d'assez tourmenté, finalement, comme elle l'était elle-même. Et qui un jour m'a fait une confidence, elle m'a dit, vous savez, j'ai trouvé mon épitaphe, passant, sois heureux. J'ai rencontré aussi Arnaud Desjardins, oui, dont j'avais découvert les livres assez rapidement. J'ai séjourné chez lui à plusieurs reprises, mais j'ai senti que c'était une voix sèche, qui ne correspondait pas à mon tempérament. Et un jour, il a eu cette phrase, un arbre, c'est un arbre. Et moi, je me suis dit de mon côté, mais pour un poète, un arbre est tout, sauf un arbre. Et je pensais à ce que dit Valéry, qui compare l'arbre à une éponge verte. Alors peu importe ce qu'est un arbre, en tout cas, c'est forcément une métaphore. Lui suit la voie de Swami Prajnapad, et donc la voie védantique par excellence, mais ça n'était pas la mienne. Vous avez beaucoup parlé de vos contemporains, finalement. Qu'en est-il des textes sacrés qui ont marqué votre... J'ai été élevé dans un milieu agnostique. Oui. Je ne dis pas athée, je ne me permets pas de juger mes parents. Mais je sais que j'ai été très libre, si vous voulez, d'esprit, n'ayant reçu aucun conditionnement religieux. D'accord. Chose étonnante, le jour où je devais être inscrit au catéchisme, non pas par mes parents, mais sans doute sous l'influence d'une grand-mère, je me trouvais à Alger. C'était le 8 novembre 1942. Et ce jour-là, les Américains débarquaient à Alger. Donc, tous les cours ont été suspendus. Ils ont installé leurs tentes dans les cours des écoles. Pendant une année, je n'ai pas été scolarisé. Et donc, je n'ai pas fait mon catéchisme. Et je n'ai donc pas fait ma première communion. À partir de quoi, et sous la pulsion guénonienne, à partir du moment où j'ai découvert les textes sacrés, je n'ai eu de lecture et Dieu que pour eux. Alors, de quel texte sacré parlez-vous ? Alors, d'abord, j'avais reçu une formation grecque. Donc, Platon m'était un peu familier. Mais je m'intéressais déjà davantage aux présocratiques, en particulier Empédocle et Héraclite. Héraclite, dont la pensée est tellement proche du taoïsme. En 1953, j'étais donc en propédeutique, qu'on appelait à l'époque la propédeutique, me trouvant à Alger, je suis entré dans une librairie qui s'appelait le Lotus d'Or, qui était une librairie orientaliste, où j'ai vu là une femme, une jeune femme, et je lui ai dit « Bonjour madame, connaissez-vous les œuvres de René Guénon ?» Elle m'a dit « Mais messieurs, les voilà, elles sont sur cette étagère. Avez-vous des livres sur l'Inde ?» Et oui, monsieur, l'enseignement de Ramakrishna, traduit par Jean Herbert, vient d'être publié. Avez-vous des livres sur le soufisme ? Mais je connais des soufis qui sont à Mostaganem, la Zaouïa du Shir al-Alaoui, que je fréquente. Je peux vous emmener les voir. Elle avait créé une revue qui s'appelait Les Amis de l'Islam, d'ailleurs. Évidemment, comprenons islam par soufisme. Avez-vous des livres sur le bouddhisme ? Non, pas tellement, parce que le bouddhisme n'est pas encore vraiment apparu à ce moment-là. Mais enfin, il y a quand même un livre de Suzuki sur le bouddhisme zen. Et donc, ça a été le second déchirement du voile du temple. Je me trouvais là, ayant franchi le seuil de cette librairie, devant le kairos, ce que les Grecs appellent le kairos, c'est-à-dire un événement déterminant, toute la suite de mon existence. Car non seulement cette femme, 8 ans après, deviendrait ma femme, mais tous ces livres se tiendraient debout derrière moi en inspirant tous les livres que j'ai écrits depuis. Voilà le périple qui a été le mien. Merci. Alors moi, j'ai une question avant d'aborder ces solutions et ces pistes adaptées dont je parlais tout à l'heure. Pour reprendre la formule antithétique de votre livre « Comment concilier l'inconciliable », j'ai envie de vous dire et de vous demander comment parler de l'indicible, comment dire ce qui ne peut pas être dit, puisque finalement votre livre n'est qu'un grand cri, un grand appel au tout autre, un grand appel sur ce qu'il y a derrière le voile, n'est-ce pas ? Et comment pouvoir toucher le voile sans le salir avec les mots. Le mieux, c'est de n'en rien dire. Oui. C'est pourquoi j'ai publié 8 ou 9 000 pages. Mais il y a peut-être tout de même un chemin de traverse qui peut au moins suggérer le non-dicible, et c'est la poésie. Quand je dis poésie, je n'entends pas toutes les œuvres monumentales de tous les écrivains, mais j'entends quelques textes qu'ils ont écrits dans des heures de grâce, quelques poèmes, d'en faire une anthologie, et des espèces d'illuminations qu'ils ont pu avoir. Rimbaud, par exemple, cet agnostique qui a dit « je est un autre », comme le Vedanta dit que notre véritable moi, c'est le soi, ou qui a écrit « la vie est ailleurs ». Mettre des mots sur ce qui ne peut être que difficilement touché et approché. Alors parlons peu, parlons bien, allons directement à ces solutions, à ces pistes que vous nous proposez. Vous nous en suggérez plusieurs. Laquelle vous paraît la plus pertinente d'aborder en premier lieu? Je crois que la plus pertinente, c'est la psychologie, c'est-à-dire la connaissance de soi. Avant de connaître le soi, il faut connaître son soi. Donc, avec une minuscule, si vous voulez, par opposition à l'autre. Ce qui serait beaucoup plus abscon en sanskrit, puisque vous savez qu'en sanskrit, il n'y a pas de majuscule. Alors, nous avons un grand bénéfice sur le sanskrit par rapport. Je crois que c'est aussi ce qui peut intéresser la majeure partie de nos contemporains qui sont en butte à tellement de difficultés, de contradictions, de conflits intérieurs, extérieurs, de difficultés sociales, de relations, etc. Et alors, vous me demandiez tout à l'heure les hommes que j'avais pu rencontrer, au moins à travers leurs livres, il y a évidemment Carl Gustav Jung et sa disciple et collaboratrice Marie-Luzon Franz, que j'ai eu la chance de rencontrer, du reste, à la fin de sa vie, et avec laquelle ma femme avait fait son analyse didactique, qui se rendait donc à Zurich une fois tous les 2 mois. Elle a fait cette analyse pendant 3 ans. Mais très vite, Marie-Louise lui avait dit, « Roland, je n'ai rien à vous apprendre. » On est bien d'accord qu'on n'est pas sur du développement personnel. Non. Hein, mais c'est tout de même intéressant, parce que j'ai été mobilisé moi-même par l'intérêt que mérite cette démarche, qui est en même temps psychologique et alchimique. Alors c'est une démarche psychologique et alchimique, mais c'est une démarche qui est difficile, on le sait. Hein, c'est une démarche qui demande à passer par... Toutes les démarches sont difficiles. Voilà. Alors, en quoi est-elle finalement adaptée au monde dans lequel on vit, qui n'est pas forcément un monde qui favorise ni l'introspection, de fait, ni l'effort, ni la difficulté, ni le fait de savoir que passer par le désert fait partie du jeu? Ben, il est certain que l'on part avec des hommes et des femmes qui sont extravertis, soit par nature, soit par nécessité. Nous sommes tous obligés aujourd'hui de vivre tournés vers l'extérieur, harcelés par toutes sortes de préoccupations qui viennent du monde extérieur, et obligés d'ailleurs d'y souscrire, à moins de vouloir finir entre 2 gendarmes. Le terrorisme administratif est quelque chose que j'éprouve personnellement d'une façon prégnante et dramatique à la fois. Nous sommes donc obligés de garder des contacts nombreux avec tout le monde, des contacts qui sont superficiels généralement. Nous sommes entraînés par une espèce de maelstrom auquel il faut se soumettre finalement, sous peine de périr. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il y a là une espèce de totalitarisme obligeant tout le monde à être extraverti, alors que la moitié de l'humanité au moins se trouve introvertie et n'a pas le droit de l'être. Comment concilier alors cette nécessité de l'introversion et en même temps l'obligation d'être dans la sociabilisation? Eh bien, je crois qu'il y a une décision à prendre qui appartient à chacun, selon des modalités différentes. À partir du moment où l'on a tout de même fréquenté quelques livres au moins concernant les questions dont j'ai parlé, prendre le parti pris, de décider que désormais, tous les soirs, quand je rentrerai chez moi, épuisé par ma journée, je fasse silence. Je m'assieds, en lotus si l'on veut absolument être un oriental, mais je m'assieds simplement, et je fais silence. C'est-à-dire que j'oublie tout ce qui s'est passé dans ma journée, et j'interdis à mon mental de tourner de circuler dans tous les sens, en m'aidant pour cela de la respiration consciente. C'est un yoga adapté vraiment d'une extrême simplicité, mais s'obliger à faire cet exercice pendant un quart d'heure, une demi-heure, tous les jours, au même endroit et autant que possible au même moment, pour que ça devienne une discipline. Quand vous dites prendre la décision, ça veut dire, c'est un appel à la fois au libre arbitre. Exactement. La question du libre arbitre, c'est une grande question. On n'en parle pas très souvent du libre arbitre, c'est étonnant d'ailleurs. Parce que c'est difficile. C'est-à-dire que l'homme a été créé libre, et en même temps, il est soumis à toutes sortes de lois. Alors là encore, il y a à l'horizon, en perspective, la fameuse conciliation des contraires. C'est-à-dire que je suis libre de choisir Dieu ou de le refuser, mais je ne le suis peut-être pas tellement, car je suis le résultat de toutes sortes de conditionnements qui remontent non seulement à mes parents, mais à toute la lignée de mes ancêtres. Mais en même temps, seul de toutes les créatures, l'être humain est capable, par exemple, de concevoir Dieu, même s'il ne sait pas ce que c'est, et même s'il ne peut rien en dire, il est la seule créature qui soit en mesure de changer de conscience. Vous parlez beaucoup dans votre livre, justement, des modes de pensée orientaux qui permettent de transcender les dualités. Oui, je n'ai jamais dit qu'il fallait se convertir à une voie orientale, surtout si nous avons 2000 ans d'ancêtres baptisés. Il y a des dangers, il y a des déviations qui ont été dénoncées, à moins que les circonstances fassent qu'on est vraiment prédestiné à l'Orient. Par exemple, si on y exerce son métier, si on vit en Chine, ou si on vit au Vietnam, ou si on vit en Inde, par nécessité professionnelle. Là, il y a un signe du destin, peut-être, qui fait que on est destiné à épouser, finalement, une voie orientale. Ce que je préfère de beaucoup, c'est puiser dans l'Orient un certain nombre d'idées ou de thèmes qui n'ont pas été suffisamment développés par le christianisme ou qui ont été oubliés en cours de route. Vous pouvez nous donner des exemples? Par exemple, cette idée de la conciliation des contraires. Oui. Donc, que l'on trouve dans le taoïsme et où l'on va faire s'épouser le yin et le yang. Eh bien, mais nous l'avons à portée d'œil chez nous avec le symbole de la croix. Car qu'est-ce que c'est que la croix? C'est un miracle. C'est la chose qui avait le moins de chances de se manifester, à savoir la rencontre d'une ligne horizontale et de son opposé le plus extrême, une ligne verticale. Voilà un exemple de conciliation des opposés. Et il se trouve qu'au centre de cette croix se trouve le Christ, lui-même, conciliateur des opposés. C'est Nicolas de Cuse qui définit Dieu comme conciliation, je préfère dire connivence d'ailleurs, connivence des opposés. Nicolas de Cuse n'était pas du tout suspect d'hétérodoxie, puisqu'il était cardinal et qui appartenait à la cour du Vatican. On retrouve cette connivence ou cette conciliation des contraires, pas seulement d'un point de vue symbolique, de toute façon, chez les premiers chrétiens, je pense à l'évangile selon Thomas, par exemple. Oui, alors, évangile qui m'a beaucoup intéressé à un certain moment, jusqu'au moment où j'ai découvert que finalement beaucoup de logia se retrouvaient dans les évangiles synoptiques et que quelques autres étaient vraiment inédits et originaux. Personnellement, je n'ai pas besoin de l'évangile de Thomas puisque j'ai l'évangile de Jean. De même que je n'ai pas besoin du suaire de Turin, si un jour on finit par me démontrer que c'est un faux, oui. Car j'ai les icônes. Oui. On peut peut-être en reparler justement des icônes, ça fait partie des pistes que vous nous donnez. Alors ça, c'est un autre monde. Toute la différence qu'il y a entre l'image religieuse, l'art religieux et l'art sacré. On dit du christianisme qu'il est la religion où Dieu s'est fait visage. Oui. Hein? Et c'est l'illustration de ce principe que l'on retrouve dans les icônes, à savoir un visage humain, puisque Dieu s'est fait homme, et en même temps un visage archétypique, le visage métaphysique de Dieu. Mais aussi, chose très importante, le visage métaphysique de la mère de Dieu, qui est en même temps l'épouse du Christ. Vous voyez que les paradoxes ne figurent pas seulement dans le taoïsme. Mm-hmm. Et la Théotokos, donc, de l'art byzantin, qui représente non pas seulement la mère de l'être incarné, mais aussi la Sophia, la sagesse éternelle, qui dansait devant Yahvé avant qu'il créât le monde. Et là, on retrouverait le thème de la danse de la Shakti, enlaçant le Dieu, permettant au Dieu, en tant que principe abstrait, de se manifester par l'animation qu'il reçoit de son épouse. Alors, on a vu plusieurs pistes, hein, déjà, on a commencé à... On est un petit peu dans une jungle, mais c'est une jungle civilisée. Oui. Alors, on a vu la psychologie, hein, première piste avec Jung. On a vu la méditation, hein, yoga occidentalisé, faire silence. On a vu tout ce qui est de l'ordre de l'orthodoxie, en quelque sorte. Pas tout, parce que l'orthodoxie est un immense domaine. Et je sais qu'il vous tient à cœur. C'est justement là-dessus que je voulais vous réaiguiller. Ben, mon premier livre a été mon récit de voyage au Mont Athos. Oui. Où j'ai eu l'impression, non pas de me séparer de la France de 2000 kilomètres, mais de remonter 2000 ans en arrière. C'est ce que j'avais ressenti un peu plus tard en Inde aussi, d'ailleurs. Non pas tellement une remontée géographique, mais une remontée dans le temps. Et c'était donc le sujet de mon premier livre, mon récit de voyage, mais avec un manque de maturité. J'avais 26 ans, donc j'ai éprouvé le besoin de reprendre ce livre, de le réécrire avec plus de maturité 17 ans après. Et 17 ans après encore, je l'ai réécrit. Alors c'est la troisième édition, je pense qu'il n'y en aura pas quatre, mais je crois que c'est la bonne. Avec chaque fois un approfondissement tout de même de l'orthodoxie. Alors justement, puisque c'est un sujet qui vous tient à cœur, qu'est-ce qu'on pourrait dire sans galvauder, évidemment? D'abord, il y a l'héritage des pères grecs. Vous me parliez tout à l'heure du silence que l'on garde devant l'indicible. Les pères grecs insistent beaucoup sur la théologie apophatique, c'est-à-dire le neti-neti des hindous. Mmh. Dieu n'est ni ceci, ni ceci, ni ceci, ni cela. On épuise tous les attributs et tous les noms qu'on peut lui donner, tous ces noms étant en réalité des définitions de ce qui est infini. Et finalement, à l'aboutissement extrême, ce que l'on trouve, c'est le silence devant la divinité. Un autre chapitre important, c'est la prière du cœur. Je le considère un peu comme le yoga chrétien, oui. Il rejoint le Japa Yoga des hindous et le Zikr de l'islam, à savoir la répétition du nom divin, donc Jésus-Christ, et la demande de la miséricorde divine, aie pitié de moi. C'est la prière du publicain dans l'évangile. Vous recommandez cette prière en grec plutôt? À l'ensemble du monde orthodoxe, et depuis quelques décennies d'ailleurs, dans certains milieux catholiques. Ce que je voulais dire, c'est que vous recommandez de la faire en grec. Pas forcément. Pas forcément. Puisque justement, dans l'orthodoxie, on pratique les langues vernaculaires. D'accord. Quoique le grec liturgique ne soit pas le grec parlé dans la rue par les Grecs d'aujourd'hui, mais enfin compris par eux. Ou le russe, qui n'est pas le russe parlé dans la rue, mais le slavon, mais qui est compris par les Russes. Tandis qu'en français, dans toutes les langues de l'Europe occidentale, il y a tout de même une difficulté, c'est que c'est le langage que nous parlons ordinairement. Et donc, ça peut accentuer un petit peu l'aspect profane, si vous voulez, de la prière. Parce que quand vous dites prière du cœur, il n'y a pas seulement la notion de prière, il y a la notion de cœur. Donc, vous parlez bien de cette émotion, de cette vibration dans laquelle il faut être. Oui, d'abord, la formule elle-même. Ensuite, la respiration, ce qui l'apparente aussi à l'Inde, oui. Inspiration et expiration pour la première et la deuxième partie de la formule. Pas tellement recommandé la concentration sur le cœur. Pourquoi pas tellement recommandé? Parce qu'il faut à ce moment-là avoir la guidance d'un père spirituel, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc ça peut entraîner des ennuis et avoir des conséquences somatiques. Vous avez parlé de guidance et de père spirituel. Tout à l'heure, vous avez nommé ces personnes réelles, hein, contemporaines, que vous avez croisées. Aujourd'hui, finalement... Oui, j'ai connu le père Sophronie, oui, qui avait été le disciple de Saint-Silouane Latonite. Et vous savez la grande phrase de Saint-Silouane, le Christ lui disant, qui était moine au mont Athos, « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. » Et je trouve que cette phrase pourrait servir d'exergue à toute notre époque. Dans notre époque, les chercheurs de lumière peuvent se sentir isolés, dans une solitude terrible, désertés par la spiritualité. Vous parliez de guidance spirituelle, où, comment, à qui s'adresser? Est-ce que nos chemins sont condamnés à être des chemins de solitude? Ou des rencontres sont-elles encore possibles, la guidance dont vous parlez? Sauf des informations de ma part, je n'ai pas à citer aujourd'hui le nom d'un maître spirituel en Occident. Je doute d'ailleurs qu'il y en ait encore beaucoup, même en Inde. Mais il y a ce que l'on appelle les upagurus, oui, c'est-à-dire soit des hommes qui en savent un peu plus que nous, et qui peuvent nous aider. Oui. C'était le but de mes visites auprès de Marie-Madeleine Davy. Mm-hmm. Soit des êtres qui ont donc plus de maturité, mm-hmm, plus de réflexion, et qui ont réalisé quelque chose. Soit même, du point de vue hindou, des animaux, et même des plantes. Ramana Maharshi disait, tout est notre maître. Alors vous en parlez dans votre livre « Tout est notre maître », y compris, et ça fait partie des upagurus, y compris des situations, des rencontres, des événements, bien sûr, qui sont autant peut-être de cailloux dans nos chaussures, mais autant de cailloux à regarder, à peut-être à tailler, il y a peut-être des diamants. Exactement. Ben, vous devancez ma réponse. Il faut toujours se sentir un peu joaillier. Oui. Dans les contes de fées, souvent les cailloux deviennent des diamants. Souvent. Ce sont des diamants qui ont oublié ce qu'ils étaient. Donc, voilà la leçon qu'ils peuvent nous donner. Alors ça, c'est un appel, ça, souvenir. C'est un formidable appel aussi à l'espoir. Parce que si dans chaque caillou, si dans chaque grumeau, si dans chaque tension, si dans chaque rétraction, si dans chaque gêne, il y a une leçon, il y a forcément une vertu, bien sûr, et forcément il y a libération. Et là, vous me rappelez une phrase de Saint Grégoire de Nice, « Telle est l'inventivité divine, qu'elle est capable de créer un espoir là où il n'y a plus d'espoir. » Dans Héraclite, vous avez « Si tu ne cherches pas l'espéré dans l'inespéré, tu ne le trouveras pas. » Mais je crois qu'on pourrait faire toute une anthologie sur ce thème de l'espoir. Tout à l'heure, j'ai trouvé que vous aviez un peu la dent dure hein, quand vous disiez qu'il n'existe plus aujourd'hui de maître. Très, très récemment encore, Durkheim, par exemple. Oui, mais il n'est plus de ce monde. Il n'est plus de ce monde, mais enfin, c'est quand même, oui, un contemporain. Oui, oui. Donc il y a peut-être un Durkheim qui s'ignore encore en Occident. Il peut y avoir des Durkheim cachés. Il y a des Durkheim cachés. Vous parlez beaucoup de, quelque part, de l'anonymat et de l'invisibilité. Et de la nécessité même, je dirais, de l'invisibilité. Pour avancer. Oui. Ce qui est paradoxal pour un écrivain. Oui. Enfin, tout est paradoxe. Finalement, je crois que c'est le... S'il devait subsister une seule phrase de mon œuvre, je crois que ce serait celle-là. Tout est paradoxe. Tout est paradoxe. Et c'est ce que dit Jung à la fin de sa vie, justement, à la fin du livre « Ma vie ». Combien elle est sensible au non-sens qui est sens, au sens qui est non-sens. Et finalement, son état d'ignorance, d'humilité, alors qu'il avait reçu des milliers de confidences, et rejoignant Lao Tse, qui disant, tous sont contents d'eux, tous sont très satisfaits, etc. Moi seul suis trouble et inquiet et insatisfait. Et c'est ce que Jung dit tout à la fin de son œuvre. Mais ce n'est pas du tout qu'il est désespéré, c'est qu'en fait, il a compris que tout était paradoxe et que chaque fois que l'on affirme une vérité, il faut se demander dans quelle mesure la vérité contraire est vraie. Ce qui pourrait être la charte de toute spiritualité, alors qu'on est tellement porté aujourd'hui à dire que la spiritualité, en réalité, ça n'est que la religion, et que la religion, ça n'est que l'intolérance. Ça serait une charte drôlement bien adaptée au monde dans lequel on vit. Vous me donnez l'idée de la rédiger. Oui, c'est vrai. Hein, parce que ce monde qui est un monde déchiré, qui est un monde qui fonctionne de manière névrotique, il n'y a pas d'autre mot. Oui, hein. Oui, y a peut-être moyen justement d'en faire une charte qui serait adaptée. Il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sens-là. Je le pense. Oui. Ah oui, on trouve de l'espoir. Hein. C'est-à-dire une anthologie à travers les différentes traditions de phrases de ce genre. Ça rejoint évidemment la grande tradition taoïste. Vous en parlez aussi dans votre livre. Bien, on nous dit que la religion est une affaire de dogme. Si on a la foi, on y adhère. Si on n'a pas la foi, on s'en écarte. Mais il y a quand même une expérimentation de la vie, et surtout avec les années, tout de même, qui fait qu'on est obligé de voir que ce ne sont pas seulement des dogmes, mais des vérités vérifiables. Vous parliez des quatre saisons de la vie. Peut-être les quatre saisons de la vie, écoutez. Oui. Histoire qu'on se repère, qu'on sache où on en est aussi, suivant l'âge que l'on a, ou la maturité. Oui, ben c'est-à-dire qu'il y a des êtres qui sont très jeunes et qui sont déjà très mûrs, et d'autres qui, à 70 ans, n'ont encore rien compris. Oui. Sans faire intervenir des affaires de réincarnation, etc. Mais oui, je pense que tous les 20 ans, il y a une nouvelle saison dans laquelle on entre, avec un nouveau dharma, dirait l'Inde, un nouveau travail à faire. Mais qu'il y a un travail qui est continu, comme un fil rouge qui traverse toutes nos années, les quatre, oui. Et qui est la référence au spirituel. Alors comment se référer au spirituel dans le premier âge, qui est donc le premier âge de formation, d'apprentissage, où l'enfant devient homme? Alors c'est le moment le plus difficile, parce que l'enfant est sous la pression de toutes sortes d'influences qui vont dans l'autre sens, et l'enfant est très malléable. Par conséquent, si l'on parle avec passion, avec émotion, indignation, on est sûr d'avoir une grande influence sur l'enfant. Mais d'autre part, l'esprit souffle où il veut, et on peut trouver aussi, même dans les générations récentes, des enfants qui ne sont pas d'accord, en somme, avec ce qu'on leur dit, qui ne sont pas en mesure d'exprimer leur désaccord parce qu'ils n'ont pas encore le vocabulaire adéquat, mais qui sentent, qui font sentir plutôt une résistance à ce qu'on leur dit. Et par mon métier de professeur, j'ai rencontré ce genre d'élèves. C'est dangereux pour un enfant d'être comme ça, parce que finalement, il est d'emblée dans... J'ai toujours remarqué que l'enfant qui était à part dans une classe, qui ne faisait pas partie du groupe, était mal considéré. Il était asocial, pour ne pas dire anormal. Je me souviens que pour ma part... J'étais déjà comme ça avant la découverte de Guénon. Mais je n'étais pas en mesure d'exprimer, évidemment, ce que je ressentais. Dans le deuxième âge de la vie, si on continue notre voyage... L'installation dans la vie sociale, dans un métier, dans un mariage, dans l'éducation des enfants. Et là, faire le métier qui nous correspond le plus. Jung, pour revenir à lui, indique bien que la dissociation entre ce que l'on est obligé de faire et notre nature profonde et la source de la névrose. Donc il faut absolument qu'il y ait vocation. Théoriquement, tout être humain a une vocation. Elle se manifeste impérativement à lui. Quelquefois, elle ne se manifeste pas. Et puis malheureusement, et de plus en plus, il y a des métiers qui n'exigent aucune espèce de vocation. Je ne nommerai personne, mais vous voyez ces énormes cohortes de gens qui, toute leur vie, tapent sur des ordinateurs et qui, je pense, n'ont pas de vocation particulière à cela. Dans la dissociation par la nature même de leur travail. La troisième étape, en Inde, c'est celle où le mari et la femme se séparent. Non, attendez, dans la troisième étape, l'homme et la femme se retirent de la société et vivent dans la forêt. Et tout à la fin, ils se séparent et deviennent mendiants sur les routes. Alors, adapté à notre alors là, monde je ne crois moderne. Pas que nous soyons en mesure de faire ça. Oui. Mais il y a aussi une adaptation tout de même, c'est que dans la troisième phase, il y a une intériorisation qui s'opère pour tous les êtres, y compris les extravertis. Plus de maturité, plus de réflexion et la préparation au grand passage. C'est peut-être en ce début de troisième saison que on peut exercer enfin son libre arbitre, savoir dire non. Davantage. Peut-être. Hein. Et puis on a tendance aussi à être davantage indifférent au qu'en dira-t-on. Oui, au regard de l'autre. Moi je sais que j'ai toujours été soucieux de ce qu'on pensait de moi. C'est peut-être un désir inavoué d'être aimé. J'ai toujours fait en sorte d'être bien avec mes collègues, d'être bien avec tout le monde. En fait, j'ose dire que je ne me connais pas d'ennemis. Bon. Mais maintenant que je suis dans la quatrième saison, ça m'est égal. Ce que l'on peut dire de moi m'est égal. Alors, quatrième saison, préparation au grand passage. Eh oui. Est-ce que ça se prépare, cette histoire, finalement ? Quand je dis préparation, je dis accoutumance à l'idée qu'il va y avoir le passage dans la cinquième saison. Et alors, pour moi, cette cinquième saison, je laisse de côté ce que j'appelle les images d'Épinal de l'enfer et du paradis. Mais pour moi, c'est... étant donné que nous sommes libérés des limites corporelles, l'immersion dans l'infini, et étant donné que nous sommes libérés des catégories temporelles, immersion dans l'éternité. Or, c'est ce qu'est Dieu. C'est cela, reposer dans le sein de Dieu. D'ailleurs, remarquez bien que pour la messe de Requiem, par exemple, il est bien dit « Requiem aeternam ». Seigneur, donne-lui le repos éternel. Il ne s'agit pas du tout de fantasmagorie de toutes les couleurs et on jouerait au ballon pendant l'éternité sur de belles pelouses, etc. Non, seulement là il y a quelque chose aussi, une idée qui m'est chère, c'est que fréquentant depuis peu une maison de retraite où j'ai quelqu'un de proche, je me suis aperçu que finalement cet humanitaire avait certainement une face claire, mais pouvait aussi avoir une face obscure. Je ne fais pas allusion à l'histoire des gros sous, ça n'est pas ça que je pense. C'est au fait que nous vivons dans un tel matérialisme que les idées métaphysiques nous effraient. Et que si l'on retient si longtemps en vie ces gens qui, selon la loi de Dieu, devraient être morts, eh bien c'est parce que on a peur pour eux, et pour soi-même, de la notion d'infini, et de la notion d'éternité. La fin de notre entretien, approche. Peut-être qu'on pourrait conclure là-dessus, sur le fameux memento mori. Oui, si vous voulez. Quoique le latin ne soit plus à la mode. Souviens-toi que tu dois mourir. Sans en faire une obsession. Parce qu'alors là, c'est retomber de nouveau dans une névrose. Oui. Jung disait, il faut, vieillissant, il faut toujours avoir un projet dans la vieillesse. D'autre part, il nous est impossible de savoir quand cela aura lieu, comment, et on ne peut pas non plus, à moins d'avoir peut-être une vocation monastique, et encore j'en suis pas sûr, être obsédé par cette idée. C'est vraiment un exercice de funambule. Je suis peut-être de cette race-là. Qui tient sur le fil du rasoir. Sur le fil du rasoir. D'où l'intérêt d'avoir des souliers. Merci. Merci Jean-Pierre. Merci à vous. Merci beaucoup.